Ce soir, on reprend le vrai, le grand podcast science, c'est-à-dire un podcast constitué uniquement de matheux. Que dis-je ? De la crème mathématique de l'Internet mondial. En toute modestie, donc, nous sommes le 5 octobre 2015 et c'est Podcast Math, l'épisode 2. Bienvenue. Alors, bonsoir à tous. Configuration un tout petit peu spéciale ce soir. En fait, on avait fait une première émission avec Micmat qui s'était passée merveilleusement bien et où on avait toute la crème de la mathématique internet française avec du LJJ, avec du Robin, etc. autour de la table et puis bien sûr d'autres membres du podcast. Et il se trouve qu'il y a eu un problème d'enregistrement et qu'on n'a plus rien de tout ça. C'est très malheureux. Heureusement, comme Micmat est merveilleux, il a accepté de revenir et on a pu réenregistrer avec lui un interview et il a pu nous reparler de sa thèse. Mais par contre, je suis tout seul avec lui. Donc voilà, donc ce soir c'est une configuration un peu particulière. Autour de la table, il n'y a que moi et Micmat. Et au sommaire de l'émission, il y a un interview de Micmat, une quote quand même, parce qu'on a fait les choses bien, un petit rappel sur le quiz du mois, et ce sera tout. Donc bonne écoute, et on passe tout de suite à l'interview de Micmat. Micmat, c'est aujourd'hui 101 000 abonnés pour 114 vidéos. Oui, vous avez bien lu, 114 vidéos en 2 ans. Pour vous donner une idée, Bruce d'Y Penser qu'on a reçu, lui a 62 vidéos sur la même période. Donc Micmat a une sacrée production. Cette chaîne parle, comme son nom l'indique, de maths. Et comme beaucoup de matheux sur l'internet mondial, Michael a un style bien à lui. Il présente des maths qu'on pourrait appeler traditionnels au sens où on le voit souvent arriver avec des concepts qui paraissent très bien connus, les multiplications, les propriétés des nombres, pi, de la géométrie, etc. Et il arrive finalement à nous surprendre avec des choses particulièrement étonnantes, comme les hexaphexagones, et très jolies, comme justement cette fameuse vidéo sur les multiplications. Ce soir donc, nous le recevons pour parler de sa chaîne, de sa personne et de sa vision de la transmission des maths sur Internet mondial. Bon, bonjour Micmat, et est-ce que bonjour. Pour commencer, on va commencer un peu comme on commence avec tous les youtubeurs, est-ce que tu peux nous présenter ta chaîne, donc Micmat ? Mais Micmat, c'est une chaîne qui a maintenant 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans et demi, et qui parle principalement de mathématiques, et qui en parle de manière ludique, si possible avec des objets, des exemples un peu insolites, en présentant des applications concrètes, des constructions. Par exemple, il y a pas mal de vidéos d'origami, des vidéos avec des tours de magie mathématiques, et puis aussi quelques vidéos un peu plus théoriques, mais qui essayent de présenter des aspects peu connus et parfois un peu assez fascinants ou impressionnants ou assez qui retournent un peu le cerveau, voilà, pour essayer de voir les mathématiques un peu autrement sur des sujets comme les nombres gigantesques, sur les fractales, des choses comme ça, qui des noms dont beaucoup de gens peuvent avoir entendu parler mais sans savoir exactement les choses qu'on peut dire derrière. Donc voilà, j'essaye d'aborder ça de la manière la plus simple possible pour vraiment tous les publics, que n'importe quelle personne, même qui n'est pas forcément adepte de mathématiques, puisse comprendre et rentrer dans les mathématiques grâce à ma vidéo. J'essaye au maximum en tout cas. Et en tout cas, moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand des gens m'envoient des messages en me disant qu'ils n'aimaient pas les maths, mais qu'ils ont réussi à regarder mes vidéos et qu'ils ont bien aimé. D'accord. Ouais, et puis faire mal à la tête aux gens, je crois que c'est un peu la spécialité des gens qui font de la diffusion des maths. Ça les fait réfléchir en tout cas. Est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi tu as lancé cette chaîne ? À vrai dire, au début, j'ai pas vraiment réalisé que je lançais une chaîne YouTube, c'est-à-dire j'ai pas fait exprès au moment où j'ai mis mes premières vidéos. C'était plus à une époque où j'écrivais des cours écrits sur Internet, que je faisais depuis un petit moment. D'ailleurs, j'avais commencé à écrire mes cours en 2007, que je mettais sur Internet. Et puis, à un moment donné, je me suis retrouvé à collaborer avec un site qui s'appelait Le Site du Zéro, sur lequel je mettais aussi ces différents cours de maths que j'écrivais. Et c'est eux qui, à un moment donné, m'ont proposé de faire des petites introductions en vidéo aux cours écrits que je faisais. Et donc, à ce moment-là, j'ai fait un essai avec une série de 8 vidéos sur les théorèmes de Pythagore, alors qu'elle était assez différente des vidéos que je peux mettre maintenant, c'est-à-dire que c'était vraiment une vidéo tableau noir et craie blanche, quoi. Ça ressemblait un peu plus à un cours, même si je le faisais de façon, encore une fois, j'essayais de le faire de façon ludique, voilà, j'avais un buste de Pythagore avec moi. J'expliquais un peu la vie de Pythagore, j'expliquais le principe de la corde à 13 nœuds pour fabriquer des triangles rectangles. Et au début, j'ai fait ça uniquement, a priori, pour montrer ça à la personne qui m'avait demandé, qui était Mathieu Nebra, qui est le créateur de ce site web C2Zero, qui s'appelle Open Classroom maintenant. Et puis quand je l'ai fait, je l'ai mis en ligne, et je me suis rendu compte que finalement, puisque je l'avais fait et que je trouvais que c'était regardable par a priori, même par des gens que je ne connaissais pas, ben, j'ai décidé, vraiment, en les mettant en ligne, je me suis rendu compte qu'il y avait un bouton mettre les vidéos en privé ou mettre les vidéos en public, et ben, je me suis dit, allez, je les mets en public, et puis si jamais il y a des gens qui tombent dessus par hasard, je verrai bien ce que ça donne. Et du coup, j'ai partagé aussi ces vidéos, comme je les avais mis en public, sur le forum de ce site. Et ça en est resté là pendant plusieurs mois, où je n'ai pas fait spécialement d'autres vidéos. Et puis, à un moment donné, en regardant un peu les statistiques, je me suis rendu compte. Alors, pendant un certain temps, c'est resté vraiment stable. J'avais très, très peu de vues. J'avais peut-être une vue par jour de temps en temps, mais il y avait des jours où je n'avais pas de vues du tout. Et puis, à un moment donné, je pense qu'en fait, c'est passé sur la première page de Google quand on fait une recherche Google Vidéo. Mmh. Et là, ça a commencé à marcher de mieux en mieux. J'ai eu de plus en plus de vues. Et c'est là que je me suis dit, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, j'ai continué à en faire d'autres. Au début, sous le même format. Donc, toujours tableau noir, craie blanche, avec des cours sur la trigonométrie, sur les structures algébriques, etc. Et puis, petit à petit, eh bien, les gens qui me regardaient, c'est eux qui m'ont donné des conseils. Qui m'ont dit, ah, tu devrais faire du montage, couper quand il y a un blanc, des choses comme ça. Des choses que je ne savais pas du tout faire parce que je n'avais jamais utilisé un logiciel de montage. Les premières vidéos, c'est du plan séquence. Et vraiment, il y a les premières vidéos, il y en a même où on me voit tendre la main pour éteindre la caméra à la fin, parce que je ne coupais même pas le début et la fin de la vidéo. Et voilà, et puis petit à petit, alors j'ai pris un logiciel de montage, j'ai appris à faire des incrustations d'images, à faire plein de petits trucs, et puis voilà, petit à petit, maintenant, je ne sais pas encore me servir de toutes les options de mon logiciel de montage, mais de temps en temps, j'essaye de dire, je regarde, tiens, ce bouton, à quoi il sert, et je découvre un nouvel effet que je peux faire, et je vois comment je peux m'en servir dans mes prochaines vidéos. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'effets spéciaux, il y a même un peu de 3D, je crois, dans les dernières. Ouais, alors là, maintenant, ouais, j'ai appris à utiliser Blender, et je me suis mis aussi à Povray, qui va y avoir aussi quelques effets spéciaux dans les prochaines vidéos, là, j'ai quelques projets, notamment sur la quatrième dimension. Je ne suis pas sûr que YouTube gère la 4D, déjà. Ouais, dans la 4D, pas tout à fait, mais il y a maintenant des vidéos YouTube en 360 degrés, ou voilà, je sais plus comment. Ouais, et puis en 3D, quoi. Où on peut faire glisser l'image sur la vidéo et puis regarder vraiment, on regarde où on veut dans la vidéo. Voilà. Mais la quatrième dimension, non, on va faire ça uniquement avec des projections pour l'instant. On n'aura pas de représentation complète de la 4D sur YouTube. On aura même, ce sera même pire parce qu'on aura des. Je montrerai des projections en 2D, de projections en 3D, d'objets en 4D, puisque, a priori, l'écran est plat. Donc, mais a priori, imaginer des objets en 3D à partir d'un écran plat, c'est plus facile que d'imaginer à 4D. Les gens sont plus habitués, quand ils voient un objet en volume, en image, à se représenter le volume. Mais il y a eu des expériences assez intéressantes, je trouve, de représentation d'objets en 4 dimensions, soit en 2D, soit en 3D. Bah, on en avait parlé un tout petit peu en parlant de Flatland. Et de tout ce qui est d'essayer d'imaginer les dimensions supérieures. Quoi. Ouais, c'est ce que je suis en train de revoir en ce moment, justement, comme je pense pas mal à ces vidéos. Effectivement, une des très bonnes analogies pour essayer de trouver des moyens de représenter la quatrième dimension, c'est de se dire s'il y avait des créatures en deux dimensions qui vivent dans un plan parfaitement plat et qui n'ont aucune idée du fait qu'il existe une troisième dimension, comment est-ce qu'on pourrait le leur expliquer, quoi. Et voilà, en réfléchissant un peu à ça, ça permet après de faire une bonne analogie et de se dire, tiens, on pourrait expliquer la 4D comme ça. Ok. Du coup, tu as raconté là, que tes premiers épisodes Micmac, tu les faisais un peu en plan séquence, etc. Est-ce que tu peux nous raconter la préparation d'un épisode Micmac aujourd'hui? Est-ce que c'est plus complexe? C'est plus complexe. Disons que quand je commence l'épisode, j'y pense pas de la même manière. C'est-à-dire que petit à petit, j'ai appris à penser un peu différemment au niveau du montage, au niveau, voilà, ne serait-ce que quand je commence ma vidéo, je me dis pas que je pars pour faire toute la vidéo d'un coup, je pars pour faire une phrase, et puis après je m'arrête, je pense à la phrase suivante, etc. Mais au niveau de la préparation, j'écris pas vraiment, enfin j'écris très rarement de choses sur ce que je vais dire à l'avance, c'est-à-dire que j'ai souvent plusieurs sujets en tête dont je me dis, tiens, ce serait bien que je les traite prochainement, cela. Puis j'y réfléchis un petit peu, j'en parle avec mes amis autour de moi, j'essaie de leur expliquer et voir comment ils réagissent, quelles questions ils peuvent avoir, si je me fais bien comprendre en utilisant tel ou tel mot. Je teste ça aussi en atelier quand j'ai des enfants, parce que je fais des ateliers dans les écoles, quand je fais des animations. Par exemple, là, samedi dernier, j'ai fait la fête de la science à l'IHP et j'ai pu tester quelques constructions en origami sur lesquelles je vais faire une vidéo prochainement. Et donc, une fois que j'ai un peu testé ça et que j'ai une bonne idée de ce que je veux dire, eh ben, un jour, voilà, je me lance et puis je prends ma caméra, je l'allume, je me mets dedans, mais j'ai pas vraiment un texte ou un plan précis en tête dès le début. Après, ça vient un peu de façon spontanée. Des fois, il y a des choses dont j'avais prévu de parler, puis finalement, j'en parle pas. Puis d'autres choses, j'avais pas prévu, j'en parle vraiment sur le coup au moment du tournage. Donc, il y a une part de j'y pense quand même à l'avance, mais il y a quand même encore une part de spontané dans la façon dont je mène les épisodes. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête en amont, quoi. Ouais, voilà, j'y réfléchis pas mal. C'est marrant parce qu'on en parlait avec Robin et on trouve qu'il y a beaucoup de... On a l'impression qu'il y a beaucoup de matheux qui fonctionnent comme ça. On sait qu'il y en a qui ne fonctionnent pas comme ça, mais il y en a beaucoup qui ont l'air de beaucoup préparer en amont dans leur tête sans rien écrire ou quoi. Mais il y a eu un moment où je regardais aussi un peu ce que faisaient les autres youtubeurs et où j'écoutais un peu ce qu'ils disaient. Il y en avait pas mal qui écrivaient leur vraiment la plupart, j'ai l'impression. Ouais, et alors il y a des fois, il y a eu deux trois fois où j'ai essayé de faire ça, vraiment de les écrire, d'essayer d'écrire mes phrases, mais au moment du tournage, j'arrivais pas à le dire avec le bon ton, ça faisait pas du tout naturel, quoi, et ça m'allait pas du tout. Et donc finalement, il y a quelques épisodes que j'ai essayé de faire comme ça, puis finalement j'ai fini par abandonner et j'ai arrêté le tournage et puis j'ai repris le tournage une semaine après en ayant jeté tous mes papiers de préparation et puis ça fonctionnait beaucoup mieux. Ok. Du coup, tu parlais là du fait que tu faisais des animations. On va y revenir parce que c'est une de tes particularités assez importantes, mais ça me fait juste réagir. Les gens te reconnaissent maintenant quand tu fais tes présentations? Ouais, de plus en plus. Bah, surtout surtout quand on fait des présentations dans des endroits où il y a pas mal de matheux, quoi. Genre, voilà, je parlais tout à l'heure de la fête de la science, samedi dernier, c'était à l'Institut Henri Poincaré, et donc c'est un endroit où on croise quand même pas mal de profs de maths, de mathématiciens, de choses comme ça, donc ouais, il y en a de plus en plus qui viennent me voir, en plus comme j'annonce en général que je suis à tel ou tel endroit sur les réseaux, sur Facebook, Twitter, etc., il y a des gens qui me suivent sur la chaîne et qui viennent justement pour me voir à ces occasions-là, donc ouais, quand je fais des animations, maintenant il y a clairement des gens qui viennent me voir et qui me reconnaissent, soit parce qu'ils sont venus pour moi, soit parce que c'est des gens qui sont dans les maths. Il y en a aussi de temps en temps qui me reconnaissent dans la rue, ça fait toujours bizarre, c'est la première fois que ça m'est arrivé, ça m'a un peu traumatisé, je trouvais ça très très étrange, là pendant toute une demi-journée après je me disais, oh là là, mais si ça se trouve, il y a des gens qui me reconnaissent partout et qui ne me lisent pas, mais je suis devenu un peu parano pendant quelques jours, puis après voilà, c'est bon, je me suis détendu, mais c'est vrai que ça fait toujours assez bizarre de voir quelqu'un qu'on n'a jamais vu de sa vie et qui nous dit bonjour dans la rue, alors, je te connais, j'ai vu sur internet. C'est vrai qu'au début, j'avais pas du tout conscience de ça. Il faut dire qu'au début, quand il n'y a que quelques abonnés, bon, la probabilité d'en croiser est assez faible, et puis après ça augmente petit à petit, et puis quand le nombre d'abonnés augmente, on arrive à 1000, 2000, 3000, puis après qu'on passe les 10 000, ça devient un peu abstrait, on ne se rend pas vraiment compte de la proportion que ça représente, et puis voilà, quand on se fait reconnaître à un moment donné dans la rue, on se dit, ah ouais, quand même, ça veut dire que maintenant, la probabilité de croiser quelqu'un qui regarde la chaîne dans la rue juste en se promenant au hasard est devenue pas totalement négligeable. Bon, je suis encore relativement tranquille, hein, ça m'arrive peut-être 2-3 fois par mois, hein, d'être reconnu dans la rue, mais globalement, ça va quand même. T'as pas encore eu l'occasion de faire des conventions ou des choses comme ça, si ? Non, pour l'instant, j'ai pas fait de convention, par exemple. Je sais pas à quoi tu penses, mais des conventions spécialement de youtubeurs. Ouais, c'est ça. Non, j'en ai pas encore. Oui, je parlais pas de conventions hors internet où là t'es plus présent. ok, super. Bon, et dernière question dans les questions générales qu'on pose un peu à tous les youtubeurs, t'as aussi un peu répondu. Tu fais tes vidéos tout seul ou tu as de l'aide ou est-ce qu'il y a quelqu'un de caché? Je l'ai fait vraiment tout seul. En tout cas, les numéros. Les classiques où vraiment je suis chez moi dans mon atelier avec mes étagères derrière classiques, c'est vraiment je m'y mets, je suis tout seul et il n'y a personne autour pour avoir le silence, au contraire, donc voilà, Puis après, je fais le montage aussi. Voilà, je fais tout de A à Z. Il y a eu juste quelques vidéos où j'ai ma petite sœur qui m'a aidé à filmer, notamment pour les vidéos en extérieur. Il y a une vidéo que j'ai fait à la plage où du coup, j'avais recruté ma sœur pour venir me filmer parce que c'était plus facile hein, comme la caméra est en mouvement. Mais ça reste occasionnel. Alors, c'est marrant que tu parles de ton atelier. Parce que du coup, ouais, tu filmes tes vidéos devant des étagères particulièrement chargées d'objets divers et variés. Bon, il faut que tu avoues, c'est un décor en fait, c'est pas vraiment chez toi. Si, c'est vraiment chez moi, c'est vraiment chez moi. Robin pourrait en témoigner, qui est venu ici déjà. Non, puis en plus, alors voilà, il faudrait un jour que je propose un plan plus large des étagères, parce que là, les gens ne voient qu'une toute petite partie derrière moi. Il faudrait que tu fasses une vidéo sur tes étagères. Ça se fait beaucoup chez plein de youtubeurs. Moi, je veux voir une vidéo descriptive de tes étagères. Ouais, faudrait que j'essaie de... Mais ça va prendre un temps fou après. Mais ce serait une super vidéo de maths, en plus, parce que tu aurais plein d'objets à présenter. Ouais. Mais ceci dit, il y a pas mal de mes vidéos où je présente quelques objets qui sont sur mes étagères. Par exemple, sur mes étagères, il y a un ballon de foot. J'ai fait une vidéo sur le ballon de foot. Il y a... des étoiles en origami, j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer ces étoiles. Donc il y a pas mal d'objets où finalement petit à petit, eh bien, je fais des vidéos spécifiquement sur ces objets. Alors il y en a encore quelques-uns qui sont pas totalement sur lesquels j'ai pas encore fait de vidéo, mais effectivement un jour je pourrais faire un plan large sur mes vidéos et puis les passer un peu en revue. Faudrait quand même que je fasse un choix parce qu'il y en a beaucoup qui sont accumulés à plein d'endroits différents, donc faudrait que je vois lesquels je passe et lesquels je passe pas. Dans mon atelier, j'ai un mur tout entier qui est rempli d'étagères, du bas jusqu'au plafond, avec plein d'objets mathématiques un peu partout que j'ai accumulés depuis pas mal de temps. Depuis que j'ai 15-16 ans, j'accumule plein de petits objets mathématiques en tout genre. Et comme j'ai une certaine tendance à ne rien jeter, ça finit par devenir très fouillis, très bric-à-brac. Alors j'essaye quand même. Les objets qui sont dans le plan de la caméra derrière mes vidéos, j'essaye quand même de les arranger pour qu'ils ne soient pas trop entassés les uns sur les autres quand même. Donc, il y a quand même un petit peu un côté décor dans ce sens-là. C'est-à-dire que vraiment, ce n'est pas juste mis en vrac et rangé n'importe comment, mais il y a des endroits où c'est beaucoup plus entassé et beaucoup plus fouillis que ça dans certains coins des étagères. Ok. Ah bah, impatient d'avoir le descriptif du coup, quoi. Super. Pardon. Je voulais qu'on en vienne un peu à... Oui, si, j'avais une question de Robin, pardon, excuse-moi. Oui, j'avais une question de Robin qui se demandait que, justement, qu'est-ce que tu penses que ça donne comme image, ces objets mathématiques qui sont derrière toi, comme décor du mathématicien, le tableau noir que tu faisais au début? Ouais, alors bah, si on parle du tableau noir que je faisais au début, je sais qu'il y a des gens pour qui ça... pour moi qui suis mathématicien, le tableau noir, ça a quelque chose de très poétique et de très... Il y a quelque chose de très sentimental entre l'histoire des mathématiciens avec leur tableau noir et voir ces signes mathématiques qui courent à la craie blanche sur le tableau noir. C'est quelque chose que symboliquement, moi, j'aime beaucoup. Par contre, je sais effectivement qu'il y a pas mal de gens pour lesquels ça rappelle clairement un contexte très scolaire et pour lesquels ça peut être un peu rebutant. Après, si on parle des objets qui sont sur mes étagères derrière moi, j'ai l'impression qu'au contraire, ça donne une image plus ludique, un peu plus hors du cadre, disons, qui sort des sentiers battus des mathématiques. C'est-à-dire que les gens ne voient pas forcément les mathématiques de cette façon-là quand ils ont eu qu'une image scolaire. Donc au contraire, disons, directement, le décor, ça donne un décalage, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont dans une vidéo de maths et ils voient plein d'objets un peu bizarres colorés derrière. Après, est-ce que du coup, ça leur donne une image positive ou négative, je ne sais pas, mais en tout cas, une image immédiatement décalée. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens quasiment sur toutes mes vidéos, j'ai 2-3 commentaires de gens qui disent « Ah, il y a tel objet derrière, qu'est-ce que c'est ça ?» Et il faudrait que tu nous expliques quel est cet objet. Il y a des gens qui font des captures d'écran de mes vidéos et puis ils entourent les objets qu'ils veulent, pour lesquels ils veulent que je fasse une vidéo prochainement. Surtout qu'en plus, les objets, j'essaye de les faire tourner assez régulièrement. C'est-à-dire que c'est a priori, c'est jamais les mêmes. Si on regarde les vidéos d'il y a un an, puis il y a 6 mois, voilà, il y a 3 mois, c'est pas... Alors, il y en a quelques-uns qui restent un peu, et puis il y en a certains qui sont renouvelés petit à petit, je les renouvelle pas tout d'un coup, mais en général, d'une vidéo à l'autre, il y a toujours un ou deux objets qui ont changé, et donc, euh, Donc même ceux qui connaissent, qui regardent des vidéos depuis longtemps, ont toujours de quoi regarder un petit peu derrière. Et oui, il y en a qui me demandent régulièrement ce que c'est. Et bah, pour les retours que j'ai l'impression vraiment que ça rend les gens curieux. Alors, après, peut-être pas tout le monde, c'est-à-dire qu'il y en a probablement qui n'attachent pas forcément beaucoup d'importance et qui du coup n'en parlent pas. Ceux qui m'écrivent pour m'en parler, c'est ceux que ça a intéressé, ceux que ça a interpellé. Donc j'ai pas forcément, y a un biais, je suis pas au courant de ceux qui m'écrivent pas et que peut-être ça intéresse pas, je les vois pas. Non, mais disons que ça donne aussi une impression du mathématicien ou qui est un original en fait, qui n'est pas, pas quelqu'un comme nous. Si je compare à d'autres vidéos de gens qui présentent des sciences comme Léo Grasset sur Dirty Biology ou Bruce sur e-penser, en fait, c'est vraiment un mec comme toi qui te parle finalement. Bon, il a beaucoup plus de savoir, c'est ça qui fait que aussi, enfin, il donne l'impression en tout cas d'avoir plus de savoir. Je pense qu'ils aimeraient pas du tout que je dise qu'ils ont plus de savoir. Alors que tout de suite, quand on entre dans tes vidéos, on a l'impression de voir devant soi quelqu'un qui n'est pas nous, quoi, qui est un original qui. Ouais, c'est possible. C'est un peu comme l'araignée de Cédric Villani. Quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ça me fait tout à fait penser dans un hostile à Cédric Villani où ça donne l'impression que les matheux sont dans une bulle inatteignable. Alors, ils font des efforts pour nous parler et donc c'est sympa. Et c'est, je pense que ça a attiré beaucoup de monde, mais il y a ce côté bulle inatteignable, quoi. Ouais, si ça donne cette impression, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas les retours que j'ai moi sur ce côté-là. Après, effectivement, ça donne un côté un peu savant fou, je suis d'accord, mais savant fou dans le côté, je ressens pas forcément le côté inatteignable, mais plutôt dans le côté un peu loufoque, un peu rigolo, un peu justement, on a envie de le regarder, quoi, un peu côté professeur tournesol, quoi, ou quelque chose comme ça. Je disais inatteignable dans le sens que c'est pas leur univers, quoi. C'est un univers qui est différent et ce sera jamais leur monde a priori, quoi. Mais en effet pas inatteignable au sens plutôt disponible, enfin surtout des gens comme Villani ou même comme toi, c'est plutôt disponible. C'est-à-dire ouais, peut-être ça peut leur donner envie de me regarder en disant tiens, il est rigolo ce type, mais peut-être après est-ce que ça peut leur donner envie de eux se mettre à faire des mathématiques et par exemple à se lancer dans des études de maths. Peut-être c'est pas pareil. Alors il y en a qui regardent mes vidéos et qui me disent tiens maintenant je fais des études de maths et bon est-ce que c'est ça qui leur a donné envie, j'en suis pas sûr, mais ouais, entre c'est vrai que il y a une différence entre juste donner envie aux gens de nous regarder par curiosité et parce que ils nous trouvent rigolo et parce que voilà il y a le côté loufoque et puis tu me dis des choses quand même qui peut les intéresser. Puis après, est-ce que derrière, vraiment, ils vont se dire « Tiens, les mathématiques, c'est pour moi et je peux faire des mathématiques même en dehors du fait de regarder ces vidéos ?» Ça, j'en sais rien. Je n'ai pas plus d'informations pour savoir si vraiment ça permet d'impliquer des gens et de leur faire faire d'autres recherches en mathématiques après les vidéos. J'aimerais bien, mais je n'ai pas forcément beaucoup d'informations là-dessus. Ok. Bah, comme tu parlais de formation, justement, on va en venir un peu à ta formation. Tu viens d'où ? Qu'est-ce que tu as fait avant et qui te fait faire des maths maintenant ? Moi, en fait, je pense que si j'en suis arrivé à faire ce que je fais là, c'est parce qu'il y a eu deux parcours un peu en parallèle. Un parcours dans le monde, disons, associatif de jeux mathématiques que j'ai découvert ça quand j'étais au lycée. Au lycée, il y avait un professeur de mathématiques qui avait un club de jeux maths, professeur de maths qui s'appelle Dominique Souder d'ailleurs, et qui est un grand spécialiste de la magie mathématique. C'est un peu le spécialiste en France de la magie mathématique et il a écrit pas mal de livres sur le sujet. Et donc, alors c'était pas mon prof de maths, mais c'était le prof de maths qui avait le club de jeux maths du lycée, donc tous les lundis entre midi et deux, on se retrouvait au club de jeux maths, et c'est là que j'ai un peu découvert tout ce monde des mathématiques ludiques, des mathématiques récréatives qui m'a tout de suite fasciné et qui m'a tout de suite intéressé, et je me suis tout de suite vraiment pas mal impliqué même dans la vie de ce club de jeux mathématiques en créant des énigmes, des choses comme ça. Et puis après, donc, ce prof qui faisait partie de l'association m'a un peu emmené à différents endroits. Il m'a fait participer à des concours de jeux maths, alors les concours classiques comme le kangourou, le championnat des jeux mathématiques et logiques, des choses comme ça. Et puis il m'a amené sur le salon de la culture et des jeux mathématiques qui est organisé par une association qui s'appelle le CIJM, le Comité international des jeux mathématiques, dont je fais partie aujourd'hui. Et du coup, voilà, c'est un peu lui qui a fait la porte d'entrée vers tout ce monde des mathématiques créatives. Voilà, quand j'étais au lycée, j'ai participé aussi à des choses qui s'appelaient les UME, c'est les universités mathématiques d'été. où c'est des colonies de vacances, mais où on fait des maths. Et c'est, voilà, on se retrouvait avec plein de jeunes passionnés tous les ans. On avait la même passion des maths, le même intérêt pour les mathématiques, disons, un peu différente des mathématiques qu'on peut faire dans le cursus scolaire. Et contrairement à l'impression que ça donne, c'est très sympa. Ouais, c'est vraiment génial. Moi, je sais que je me suis vraiment beaucoup épanoui dans ce contexte-là, en rencontrant vraiment plein de gens qui à la fois aiment tous les maths et qui à la fois sont tous différents. C'est-à-dire peut-être qu'il y a une caricature qui peut laisser penser que les mathos, c'est un peu tous les mêmes. C'est un peu tous des intellos avec le même caractère, peut-être un peu savant fou, peut-être un peu trop sérieux des fois, ou je ne sais pas, mais quand on croise des communautés de mathos, on se rend compte qu'il y a vraiment de tous les caractères, tous les types de personnes qu'on peut imaginer. Donc en tout cas, c'est ce premier cursus, disons, en quelque sorte, dans le monde associatif avec toutes les associations de jeux mathématiques qui existent depuis longtemps, qui étaient principalement initiées par des profs de maths à l'époque qui cherchaient justement à développer une autre image de leur matière. C'est donc la première partie de qui a fait ce que je suis devenu. Et puis la deuxième, après, c'est les études de maths plus classiques que j'ai menées en parallèle, où vraiment, alors après le bac, j'ai fait un parcours maths sup, maths spé. Après, je suis rentré à l'école normale supérieure à la rue d'Ulm. Et puis, j'ai fait une thèse en probabilité sur des processus aléatoires renforcés. Donc, ça, c'est un processus de prise d'habitude en mathématiques. Comment est-ce qu'on peut modéliser les prises d'habitude par du hasard? Et donc ça, cette thèse, je l'ai fait à Marseille, sous la direction de Vlada Limic, qui a été ma directrice de thèse, et c'est aussi un moment de ma vie que j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai vraiment adoré faire de la recherche, parce que quand on fait une thèse, on fait vraiment de la recherche en mathématiques, on trouve des choses nouvelles, on aborde des sujets, on se pose des questions que personne ne s'est posé avant, ou alors on essaye de résoudre des questions qui ne sont pas encore résolues. Et j'ai vraiment adoré ça. Et donc à la fin de ma thèse, s'est posé un peu la question, qu'est-ce que je fais ? J'aimais beaucoup la recherche, et puis j'aimais aussi beaucoup tout le côté vulgarisation, et j'ai pas mal hésité, et puis j'ai fini par choisir de faire vraiment de la vulgarisation. Ça me semble pas concevable de faire un peu des deux comme ça, parce que la recherche, c'est quelque chose qui vraiment prend à temps plein, enfin même plus qu'à temps plein. On y pense la nuit, on y pense un peu à tout moment de sa journée. Il faut vraiment s'obséder pour un sujet pour pouvoir faire de la recherche. Enfin, en tout cas, c'est ma façon de le faire. Je ne pouvais pas penser faire 3 jours par semaine de la recherche et 3 jours par semaine de la vulgarisation. Et aujourd'hui, vraiment, je ne regrette pas du tout ce choix, parce que je pense vraiment que c'est ce qui me plaît le plus et ce pourquoi je suis le plus fait, de faire de la vulgarisation et de la diffusion, de la médiation scientifique. Je ne sais jamais exactement quel terme je préfère utiliser. Donc là, maintenant, depuis 3 ans, je me consacre à ça par différents moyens, dont la chaîne YouTube qui probablement est le média qui a pris le plus d'ampleur dans ces 2 dernières années. Mais voilà, je continue à en faire par différents autres moyens. Et tu parlais de mélanger les deux, où tu te voyais pas trop mélanger, enfin de faire de la vraie recherche mathématique et puis à côté de faire de la diffusion. Mais est-ce que tu n'as pas envie de faire, j'ai presque envie de dire, le grand écart inverse, d'essayer de diffuser des mathématiques qui n'ont pas encore été diffusées, entre guillemets ? C'est-à-dire de prendre tes sources dans les mathématiques que tu présentes dans des choses qui n'ont pas encore été vulgarisées dans tes recherches un peu contemporaines en mathématiques. Ça, c'est quelque chose que je ne fais pas encore, mais que éventuellement j'aimerais bien faire, oui, à un moment donné. C'est vrai que il y a certainement un problème dans la communication entre la recherche et le grand public. Particulièrement en maths, en plus, parce que ce soit au niveau blog ou vidéo, j'ai l'impression que c'est des choses qui sont souvent très, très, et même à l'école, c'est des choses très, très vieilles, en fait, qui sont présentées. Effectivement, alors il y a le site qui s'appelle Images des mathématiques qui fait ça déjà pas mal du tout. C'est un blog où justement les mathématiciens écrivent des articles sur leur sujet de recherche et vraiment présentent des sujets qui sont les sujets sur lesquels eux ils cherchent vraiment. Donc on est vraiment à la pointe de ce qui se fait actuellement en mathématiques et des dernières découvertes. Maintenant, alors moi c'est vrai que pour l'instant je suis encore plutôt dans la vulgarisation, disons, de des concepts plus scolaires qui sont pas forcément... Alors, quand je dis plus scolaires, c'est justement, j'essaye de les traiter de façon non scolaire, mais des concepts qui s'apprennent aussi, disons, à un niveau école, collège, lycée. Mais ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien. Alors, probablement que si je fais ça, c'est aussi parce que je me suis rendu compte que c'était là qu'il y avait le plus de demandes. C'est-à-dire que petit à petit, en faisant mes vidéos, au tout début, j'avais fait une série sur les structures algébriques à un niveau un peu plus élevé, disons, post-bac, quoi. Mais voilà, je me suis rendu compte que quand je faisais des vidéos plus au niveau collège, un peu lycée, ça marchait mieux et que c'est là qu'il y avait le plus de demandes. Et comme à ce moment-là, c'était un moment où vraiment j'étais en train de rechercher un peu ce que j'avais envie de faire et d'essayer de trouver un équilibre pour réussir à vivre de la vulgarisation mathématique, et bien je pense que c'est ça qui m'a fait naturellement dévier vers ce qui avait le plus de succès et donc là où il y avait le plus de demandes. Mais voilà, j'ai encore dans la tête et j'ai encore en idée à un moment donné de faire aussi des choses qui vont pouvoir augmenter en niveau et notamment, alors voilà, peut-être pas tout de suite dans la recherche directement en mathématiques, mais des sujets de post-bac et puis après, voilà, effectivement, aller voir directement des mathématiciens, pourquoi pas faire des vidéos avec eux, ça c'est quelque chose aussi que j'aimerais bien à un moment donné, comme peut le faire la chaîne anglophone Numberphile qui elle pour le coup voilà fait des vidéos aussi de mathématiques en allant voir des mathématiciens et en leur demandant de parler d'un sujet même de sujets plus simples mais aussi de leur sujet de recherche des choses qu'ils ont vraiment inventées. Et donc ça, alors ça, je ne l'ai pas encore fait aussi pour une question de matériel, parce que j'avais pas encore, au début, j'étais pas encore équipé forcément pour faire des vidéos en dehors de chez moi, ne serait-ce que pour prendre le son dès qu'il y a un peu de bruit dehors, c'est pas très pratique. Donc pour l'instant, j'avais pas jusqu'à il y a encore quelques semaines, j'avais pas le matériel pour faire ça. Là maintenant, je commence à m'équiper un peu plus, vu que ça commence à prendre vraiment une partie de plus en plus importante dans ma vie et dans mon emploi du temps. Et c'est quelque chose à laquelle je réfléchis, ouais, d'aller voir des matheux et leur poser des questions, faire des vidéos avec eux, leur demander ce qu'ils font quotidiennement, à quoi ça ressemble leur vie et à quoi ressemblent les sujets sur lesquels ils recherchent. Ok. T'as évoqué très rapidement le comité international des jeux mathématiques, je crois que j'aurais réussi à bien le dire. Ouais. Tu veux peut-être nous en dire deux mots, nous raconter ce que c'est, ce que ça fait, etc. Je crois que ça fait chaque année un salon des jeux mathématiques. Oui, on en fait la ça. Pub chaque année dans Podcast Science. En fait, c'est une association qui a été créée dans les années 1990. Je ne sais plus, ça fait un petit peu plus. On a fêté les 20 ans, je crois, l'année dernière, donc peut-être 94. Je ne suis pas totalement sûr pour la date de création. Et dont le but, au départ, c'était de fédérer plein de petites initiatives locales qui existaient, genre des rallyes mathématiques dans des régions, des petits concours de jeux mathématiques qu'organisaient plein de profs de maths un peu partout en France et dans le monde d'ailleurs aussi, hein, au début principalement francophone, mais après ça s'est étendu. Et donc voilà, essayer de les rassembler, de mettre des moyens en commun. Et puis depuis l'an 2000, effectivement, le gros événement qu'organise ce comité international des jeux mathématiques, c'est le salon de la culture et des jeux mathématiques, qui a lieu donc tous les ans, fin mai, début juin, ça dépend. Et ça se passe donc place Saint-Sulpice à Paris, où il y a pendant 4 jours 70-80 stands. Qui parle de mathématiques de façon ludique. Voilà, c'est une espèce de grande foire aux mathématiques dans toute sa diversité, avec des conférences de chercheurs, avec des stands de construction de figures géométriques géantes, avec des stands de puzzles, de jeux. Il y a des compétitions de jeux mathématiques. Il y a toutes sortes de... C'est des étagères en géant, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les gens qui sont intrigués par ce qu'il y a sur mes étagères, eh bien, vous allez place Saint-Sulpice et il y a 80 stands remplis de plein d'objets comme ça. Voilà, c'est tout à fait l'idée. Et donc, ça fait maintenant, donc depuis l'an 2000, donc ça fait faire 15 ans que ce salon existe tous les ans. Et on y rencontre vraiment plein de choses différentes autour des mathématiques. Et alors, en général, donc ça a lieu du jeudi au dimanche. En général, jeudi, vendredi, c'est plutôt les classes, les scolaires qui viennent par groupe. Et puis, puis samedi, dimanche, c'est le grand public. Et ce qui est assez drôle, c'est quand on voit les enfants qui sont venus le jeudi, le vendredi, qui ramènent leurs parents le samedi, dimanche. Leurs parents, des fois, ils y viennent un peu forcés en se disant « Ouais, c'est dans des jeux maths, qu'est-ce que je vais faire ?» Et puis finalement, ils se laissent prendre au jeu. Et ça, c'est toujours très amusant de voir... même des adultes qui pensaient être fâchés avec les maths, qui viennent en disant ouais, ce serait bien pour les enfants, parce que quand même, c'est les maths, c'est pédagogique et tout, donc ils viennent et puis finalement ils se laissent prendre au jeu. Donc c'est toujours assez amusant et je pense que n'importe qui peut venir, même si vous n'aimez pas les maths, même si vous êtes fâchés avec les maths, et si vous pensez que vous êtes fâchés avec les maths, venez faire un tour sur la salle des jeux mathématiques parce que c'est quand même un événement vraiment. Unique en son genre, et ça vaut le coup de voir au moins une fois ce que c'est. Ça, c'est vraiment une expérience assez étonnante. Ouais, je confirme. On en fait la pub chaque année. Moi, j'ai découvert ça quand je travaillais au Palais de la Découverte, et c'est incroyable parce que c'est vraiment une très bonne ambiance. C'est très accessible. Tout le monde peut parler avec tout le monde. Ce qui est impressionnant, c'est le nombre de gamins qui jouent. Qui s'amusent avec des jeux en bois ou des formes géométriques un peu bizarres mais qui s'éclatent et donc ouais, absolument y aller. Je crois que j'ai repéré les dates pour cette année, du 28 au 31 mai 2015. Attends, c'est passé en fait, je dis n'importe quoi. Ah oui, non, je dis n'importe quoi, c'est celui de l'an dernier, voilà. Ah, de toute façon, ce sera à peu près ces dates là. Je les ai pas là sous les yeux, mais oui, a priori c'est du jeudi au dimanche. Donc là je suis en train de regarder, ce sera peut-être du 26 au 29 probablement. 26 au 29 mai. Ok, place Saint-Sulpice, donc... Sous réserve de confirmation. Mais... À Paris, de toute façon, on vous le rappellera, on le rappelle chaque année, et donc, allez-y. Et donc, tu en parlais très brièvement, mais question qui est de plus en plus importante avec ce YouTube grandissant, qu'est-ce qui te fait vivre? Qu'est-ce qui te fait manger? Actuellement, j'ai vraiment... Il y a deux activités principales, c'est d'une part les vidéos qui maintenant commencent à pouvoir me faire vivre, ce qui n'était pas le cas encore jusqu'à il y a 6 mois, 1 an. Les vidéos qui font peut-être pas encore la moitié de mon salaire, mais qui en font une bonne partie, peut-être un bon tiers, principalement grâce au site de financement participatif Tipeee. C'est un site sur lequel je me suis inscrit et où les gens qui me suivent peuvent me faire des dons voilà, pour m'encourager à continuer et pour financer la création de ces vidéos. Et puis l'autre partie, c'est les activités, le travail que je peux faire justement pour différentes associations où je fais des ateliers dans les écoles. Alors justement, pour le CIJM qui organise le salon, je fais aussi des activités dans des écoles, en activités périscolaires dans des écoles à Paris, où après la classe dans des écoles, on prend des groupes d'enfants et puis on fait... un atelier de manipulation mathématique où on fait principalement de l'origami, réfléchir à la géométrie par l'origami, des tours de magie mathématique et logique, essayer de faire voir comment on peut faire des tours de magie avec les nombres en manipulant des cartes, des choses comme ça. Je travaille aussi pour une autre association qui s'appelle Science Ouverte, avec laquelle, principalement sur un projet qui a été initié par Robin il y a 5 ans maintenant, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est ça qu'il avait dit la dernière fois que j'ai vu. Ce sont des ateliers qui ont lieu pendant la période scolaire, où on vient en classe avec les professeurs. Et on fait des ateliers de recherche mathématique dans les classes, où, c'est-à-dire on essaye de poser des questions le plus ouvertes possible. Ce n'est pas des cours où on arrive et puis on sait déjà où on va. On arrive devant les enfants, on leur donne du matériel, qui peut être du matériel de construction géométrique, des pièces de pavage qui permettent de faire des mosaïques de différentes couleurs avec différentes formes. Et on voit ce qui se passe, on voit ce que les enfants font avec, on voit les formes qui s'en dégagent et puis les questions qui se posent. Voilà, est-ce qu'il est possible de faire telle figure géométrique avec telle pièce? Est-ce qu'il est possible de faire avec combien de petits carrés peut-on faire un grand carré, par exemple? Voilà le genre de questions des fois qui se dégagent. Donc si on a 4 petits carrés, on peut faire un grand carré. Si on en a 9 aussi, on fait un 3x3. Puis pourquoi est-ce que ce serait pas possible avec 5, 6, 7, 8, essayer de les faire raisonner là-dessus. Alors là, c'est des enfants qui sont relativement petits, c'est-à-dire les plus petits qu'on a, c'est des grandes sections, et puis après, principalement après CP, CE1, et puis un peu de CE2, on va un peu jusqu'au CM2, mais sinon, voilà, c'est plutôt la partie les plus jeunes de l'école primaire et un petit peu de maternelle. Ok. Et Science Ouverte, on avait un podcast qu'on a enregistré chez eux, si vous avez envie d'écouter de quel genre de sujet ils font. Mais très sympa, ouais. Bon, alors on va avancer un peu dans ce que tu fais. T'as une autre particularité par rapport au monde des youtubeurs, c'est que là où la plupart des youtubeurs se contentent d'un site avec des notes d'émission ou d'un blog, toi t'as un site assez complet avec même des expériences à réaliser dans le navigateur. Je crois que comme beaucoup, je l'ai découvert avec les multiplications où on pouvait jouer à faire des figures assez psychédéliques. Donc tu disais tout à l'heure que t'avais déjà ce site avant de faire des vidéos, et tu vois comment maintenant ces deux activités, t'essaies de les lier ou de faire une vidéo à chaque article, de lier des vidéos à chaque article de ton site inversement, ou pour toi c'est deux choses différentes? En fait le site, c'est, il n'y a pas forcément de ligne éditoriale actuellement. C'est-à-dire au début, quand je l'ai créé en 2007, si je me rappelle bien, alors il s'appelait pas tout de suite micmat.com, mais il a dû prendre ce nom pas longtemps après sa création. C'était vraiment pour faire des cours écrits de mathématiques, mais de manière ludique. Après, ça a un peu, s'il est un peu tombé à l'abandon, justement, à un moment donné où je parlais tout à l'heure du site du zéro, où j'ai transféré les cours que j'écrivais sur mon site, sur le site du zéro, parce que là-bas j'avais une audience bien plus grande, donc ça permettait de rendre mes cours plus visibles. Et puis aujourd'hui, mon site, c'est un peu une sorte de bric-à-brac sur lequel je mets un peu tout ce que j'ai envie de mettre. Donc, je mets mes vidéos, et puis je mets aussi, voilà, donc ces petites applications, mais vraiment au fur et à mesure où j'en ai besoin. Alors l'année dernière, j'avais lancé des défis mathématiques, c'est-à-dire des petits jeux. Alors si j'avais lancé ça, c'était justement parce que ce que je trouve dans les dommages avec mes vidéos, c'est que, en tout cas ce qui est incomplet avec mes vidéos, c'est que les gens regardent les vidéos mais sont finalement relativement passifs devant ces mathématiques. Or ce qui est intéressant avec les mathématiques, c'est vraiment quand on les pratique, quand on essaye de les vivre, de les manipuler, de faire de la recherche avec. Et donc, voilà, l'idée de ces petits défis, c'était de dire, je vais lancer des questions ouvertes avec une petite application interactive sur laquelle les gens peuvent chercher. Et je ne donne pas la solution, c'est vraiment... Et d'ailleurs, il y a plusieurs fois où j'ai lancé les défis sans avoir la solution moi-même. J'ai une idée d'un problème, je regarde... Pendant quelques minutes, j'arrive à me convaincre qu'il est relativement intéressant et que la solution n'est pas totalement évidente et que ça mérite de creuser davantage et de chercher. Et du coup, après, je code le petit programme pour pouvoir jouer avec ce principe. Et après, voilà, je le lançais aux gens et je disais, voilà, essayez de trouver un nombre qui a telle propriété, des choses comme ça. Je me rappelle, le tout premier que j'avais lancé, c'était sur ce qu'on appelle la persistance multiplicative des nombres. C'est-à-dire qu'on prend un nombre quelconque et on multiplie tous ces chiffres, on obtient un autre nombre. On prend cet autre nombre, on refait la même chose, on multiplie tous ces chiffres et on continue comme ça jusqu'à obtenir un nombre à un seul chiffre qui, du coup, est fixe. Par exemple, si on part de 25, on fait 2 fois 5, ça fait 10, puis 10, on fait 1 fois 0 qui fait 0, et puis 0 à l'infini. Et le but du jeu, c'était de trouver un nombre qui résiste le plus longtemps, c'est-à-dire qui dure le nombre d'étapes le plus long possible, pour avant d'arriver à un nombre à un chiffre. Et donc ça, c'est une question mathématique qui est encore ouverte. Il y a une conjecture qui dit qu'on ne peut pas faire plus de 11 étapes, mais c'est encore ouvert. Et donc voilà, j'ai lancé ça vraiment comme ça, là, le premier défi. Et sans dire que c'était une question ouverte, d'ailleurs, j'ai pas donné le nom de ce que c'était pour vraiment laisser les gens chercher au maximum. Et je trouve ça vraiment rigolo, voilà, de voir comment les gens abordent les questions de façon différente. Et pour aucun de défis, finalement, au début j'hésitais, je me dis comment les gens vont le prendre si je leur donne pas la solution. Et puis finalement, j'ai vraiment pris ça comme principe. Les défis, c'est des défis de recherche et je donne jamais de solution aux défis. Je laisse les gens chercher et discuter entre eux. Hein. Il y a des gens qui ont apporté la solution, qui sont arrivés, qui ont fait une démonstration vraiment qu'ils avaient résolu totalement le problème. Donc voilà, donc dans ce cas-là, c'est réglé. Mais c'est vraiment, je laisse les gens discuter entre eux et partager leurs idées. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'ai lancé. Oui, c'était sur le site au début de la question. C'est quelque chose que j'ai lancé sur le site l'année dernière. Alors l'année dernière, j'ai fait ça, j'en faisais un par mois. Et puis... là, je vais un peu ralentir parce que, à la fin, je me forçais un petit peu des fois à dire, ah là là, il faut absolument que j'en fasse un par mois. Et des fois, j'avais pas forcément toujours des idées très originales. Donc, il y en a eu un ou deux qui me plaisaient un peu moins. Donc là, maintenant, je continue à en faire, mais je les fais vraiment au fur et à mesure. Comme ça, quand j'en ai un qui me plaît, je le fais. Mais je ne me force pas sur le rythme. Et voilà. Et puis alors, donc ça, c'est les défis. Puis voilà, maintenant, avec les vidéos, toujours dans l'idée d'essayer de rendre les gens actifs et d'essayer de les faire chercher sur les principes, j'essaye, avec pas mal de mes vidéos maintenant, de créer des petites applications où les gens vont pouvoir aller manipuler en même temps, tout en même temps qu'ils regardent la vidéo ou après la vidéo, manipuler sur les concepts dont je parle de la vidéo. Alors effectivement, là, le premier où j'ai fait ça, effectivement, ça a eu un grand succès, c'était sur les tables de multiplication modulaires où effectivement on pouvait voir défiler dans la petite application la représentation, ces magnifiques représentations géométriques des tables de multiplication. D'accord. Ouais, allez voir de toute façon cette vidéo, on le dira jamais assez sur les multiplications. Ouais, c'est une vidéo qui en plus c'est assez drôle parce que c'est vraiment une vidéo où j'ai découvert ce principe quelques semaines avant de faire la vidéo. Autant les autres vidéos, la plupart du temps, c'est des choses auxquelles je pensais depuis assez longtemps. Et là, c'est une vidéo que j'ai fait c'est un principe que j'ai découvert avec André Delédic, qui est le créateur du concours Kangourou. Et c'est lui, donc on avait décidé de se rencontrer parce qu'on voulait faire des trucs ensemble. Et il a sorti une sorte de vieux polycopier d'un de ses tiroirs en disant qu'il y a très longtemps, avec les tout premiers ordinateurs, il avait eu cette idée de faire ses figures en mettant des points sur un cercle et puis relier chaque point à son double ou à son triple. Et donc il avait quelques pages sur lesquelles il y avait quelques-unes des figures, mais vraiment avec peut-être 40 points sur le cercle et puis table de 2, table de 3, table de 4. Et il me dit, ah ouais, maintenant, tiens, ça fait longtemps que j'ai fait ça, mais je suis sûr qu'avec les ordinateurs qu'on a maintenant, on peut faire beaucoup mieux que ces vieilles images qui datent d'il y a 40 ans. Donc, essaye de voir comment on peut programmer ça. Et du coup, je l'ai fait en rentrant chez moi. Et j'ai été moi-même ébloui par les figures qui sont apparues sur mon écran en voyant ça. Je lui ai envoyé immédiatement. Et ça a donné des choses très jolies. Et donc, voilà, quelques semaines après, j'en ai fait cette vidéo. Ok. Ben quand on parle de tes formats, a priori, corrige-moi si je me trompe, tu as trois formats. Alors, je ne sais pas si tu aimes ce terme identifié. Tu as les SAV des mathématiques, tu en as fait quelques-uns. Je ne sais pas si tu vas continuer à les faire. Tu présentes des fois un sujet, donc, comme on disait, avec des choses plutôt classiques. Et puis, des fois, tu fais des liens avec l'actualité. Tu as parlé du foot, tu as parlé de 2048. Est-ce que tu prévois de faire d'autres formats? Est-ce que c'est comme ça que tu réfléchis ou pas du tout? Pas tellement, en fait. Ce qui se passe, c'est que ces différents formats que j'ai pu avoir, c'était un peu des tests, à vrai dire. C'est-à-dire, quand j'allais voir un peu ce que faisaient les autres YouTubeurs, je voyais que souvent, ils faisaient des choses beaucoup plus organisées que moi. Ils avaient des émissions bien précises avec des formats très différents. Ils numérotaient leurs émissions, voilà, l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3, voilà, avec des temps différents, etc. Et donc, à un moment donné, j'ai essayé moi aussi de me dire que j'allais me cadrer, essayer de faire quelques formats un peu différents. J'avais lancé les curiosités mathématiques aussi à un moment donné, qui étaient des formats très courts où je parlais rapidement d'un aspect, voilà, une curiosité, que ce soit géométrique, numérique, etc. Et puis finalement, alors non seulement je me suis rendu compte qu'en général ça marchait un peu moins bien ces vidéos, et puis moi-même ça me plaisait un peu moins. Enfin, je pense que j'aime bien être libre, et le côté me mettre un format trop cadré, me limiter dans le temps, me limiter sur le format, sur la façon dont je vais parler des choses, sur le ton avec lequel je vais parler, c'est quelque chose qui ne me correspond pas très bien. D'ailleurs, le sous-titre de la chaîne, Micmat, c'est bric-à-brac mathématique, et j'aime bien ce côté bric-à-brac qui correspond aussi aux étagères qu'il y a derrière, et puis le côté vraiment un peu fouillis, voilà. Il y a un peu de tout dans tous les sens. Il y a une vidéo sur l'origami, une vidéo sur un aspect un peu plus théorique, sur les tables de multiplication, sur etc. Et puis voilà, et quand une vidéo dure 2 minutes, parce que ça ne mérite pas d'en parler plus, elle dure 2 minutes, et puis quand elle dure un quart d'heure, 20 minutes, elle dure un quart d'heure, 20 minutes. Mais ouais, j'ai fait ces essais, mais c'était vraiment, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas spécialement accroché, et je pense que genre, je ferai plus spécialement de formats comme ça, et que maintenant je ferai vraiment des vidéos à l'unité comme ça, et puis chacune adaptée à ce que je veux dire plutôt qu'adaptée à un format que je me suis fixé à l'avance. Ok. Parfait. Je me rappelle, j'ai oublié une question de Allo Vieux Fourteur qui nous avait posé une question dans la chatroom. Est-ce que tu pourrais nous parler, dire 2 mots de ton livre? Parce que j'ai vu que tu avais sorti un livre, et lui aussi, a priori. Oui. C'est un livre qui est sorti il y a 2 ans, 3 ans maintenant, je ne sais plus, qui est aussi en rapport avec le Salon des Jeux Mathématiques dont on parlait tout à l'heure, puisque dans le Salon des Jeux Mathématiques, j'ai fait partie pendant quelques années de l'équipe du Rallye Mathématique de Paris, alors qui a lieu le dernier jour du Salon, donc le dimanche, où tous les ans, donc on préparait un parcours pour des équipes assez familiales. Voilà, ils venaient sur le salon le dimanche matin, on leur donnait une enveloppe avec des énigmes à l'intérieur, avec différents lieux de Paris à visiter, avec d'autres endroits où ils pourraient récupérer d'autres indices, etc. Et l'idée, c'était voilà, de faire des mathématiques dans les rues de Paris en posant des questions sur la géométrie des bâtiments, combien y a-t-il de carreaux sur la pyramide du Louvre, sur quelle est la forme des arènes de Lutèce, qui ont une forme d'ellipse. Alors comment est-ce qu'on fait pour tracer une ellipse avec des instruments géométriques, avec une corde, quelque chose comme ça. Ça faisait un petit moment qu'on avait accumulé pas mal d'énigmes comme ça sur la ville de Paris et que finalement ces énigmes elles étaient dans un tiroir et puis et elles y restaient sans vraiment être visible, sans vraiment être réutilisé après avoir été utilisé juste une fois lors d'une épreuve du rallye. Une année, alors au début ça a commencé en se disant tiens, on ferait bien un recueil de ces énigmes. Et puis à ce moment-là, je pense que ça faisait pas très longtemps que j'avais lu le théorème du perroquet de Denis Gage, qui est une sorte d'aventure, de roman policier mathématique comme ça. Et je me suis dit tiens, est-ce que j'écrirais pas une sorte de petit roman d'aventure où je réutiliserais ces énigmes. Et donc voilà, j'ai inventé une petite histoire où les personnages partent à la recherche d'une sorte de société secrète et doivent pour essayer de l'atteindre, pour résoudre quelques énigmes. Et donc alors au début, j'avais prévu un scénario très simple, c'était les héros doivent résoudre un certain nombre d'énigmes et quand ils les ont résolus, ils sont acceptés dans cette société secrète et c'est fini. Et puis finalement, en l'écrivant, je me suis laissé prendre au jeu. Je me suis rendu compte que mon scénario de départ était très, très monotone et pas très passionnant. Et j'ai vraiment beaucoup aimé écrire ce livre. Et du coup, il y a plus de suspense et d'aventure que ce premier scénario très basique. Et voilà, donc ça s'appelle L'Affaire Olympia. Et c'est aux éditions Le Pommier. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé écrire ce livre. Et j'en ai pas encore d'autres vraiment sur le point de sortir, mais j'espère que je pourrai en écrire d'autres parce que j'aime beaucoup ça aussi, écrire des histoires, écrire des histoires de fiction et puis y mêler des mathématiques dedans et pouvoir faire à la fois de la fiction et de la pédagogie et de l'enseignement à travers ça. Je pense que c'est aussi un bon moyen de faire passer les mathématiques parce que un peu une des contraintes que je me suis imposée quand j'ai commencé à écrire ce livre, c'est que les gens qui ne sont pas forcément, qui n'accrochent pas forcément avec les mathématiques vont quand même pouvoir lire le livre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas obligation de comprendre les mathématiques pour lire le livre. Alors après, effectivement, j'essaye quand même de faire en sorte que ce soit des mathématiques simples, c'est comme dans mes vidéos, voilà, des choses comme ça, je pense que c'est accessible à tout le monde, mais j'ai voulu faire en sorte que ce soit une histoire qui soit intéressante à lire dans l'absolu, voilà, indépendamment du fait que de temps en temps les personnages discutent de mathématiques. Ok. Ouais, ben je l'ai pas lu pour le moment. J'ai l'impression, tu me corrigeras juste pour aiguiller les gens qui nous écoutent, à la couverture, c'est plutôt destiné pour les enfants ou c'est pour tout le monde ? C'est plutôt... Ça dépend. Disons que moi, au début, je l'ai écrit vraiment dans l'optique que ce soit grand public. Après, quand j'en ai discuté avec mon éditeur, c'est vrai qu'ils avaient une tranche, disons qu'ils avaient une collection de romans jeunesse qui était plutôt active et voilà, ils ont dit qu'ils allaient plutôt le mettre en roman jeunesse et c'est vrai que c'est tout à fait, c'est tout à fait adapté en roman. Alors, quand je dis roman jeunesse, ils ont à partir de 10-11 ans, quoi. C'est peut-être pas, voilà, pas trop en dessous. Même si ce n'est pas des mathématiques scolaires, alors j'ai des enfants des fois de 8-9 ans qui l'ont lu et qui m'ont dit qu'ils l'avaient bien aimé, mais c'était des enfants qui aimaient déjà bien les mathématiques. Il n'y a pas de mathématiques scolaires, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances spécifiques pour le lire, mais il faut quand même, il y a quelques moments où il faut un petit peu réfléchir. Mais voilà, après il y a aussi beaucoup d'adultes qui l'ont lu et qui l'ont bien aimé, donc pour moi il peut vraiment être lu par tout public, voilà, à partir de 10-11 ans, tout ça. Ok. Bon, on va parler un peu de tes copains et de tes sources d'inspiration. Qui c'est que tu regardes sur YouTube? Oh, je regarde. Je crois que j'en regarde de plus en plus parce qu'il y en a tellement qui apparaissent. À l'époque où j'ai commencé, c'était vraiment le tout début des chaînes YouTube, voilà, un peu culturelles, scientifiques. Et puis là, maintenant, il y en a de plus en plus. J'en découvre tous les jours. L'autre jour, c'est assez rigolo parce que justement, en me promenant dans la rue, j'ai croisé quelqu'un qui regardait ma chaîne, qui m'a connu, qui m'a dit « Je viens juste de lancer une chaîne YouTube justement sur le corps humain. » Voilà. Et donc, je peux même lui faire de la pub parce que j'ai été voir depuis et c'est un bon début. Je trouve que ses premières vidéos sont pas mal du tout. Ça s'appelle « Accord parfait », ça, son émission. Alors, « accord » en deux mots, « A » accent grave, « corps », C-O-R-P-S, parfait. Et voilà, pour la dernière chaîne que j'ai un peu découvert. Sinon, bah, dans les grands classiques, alors si je parle déjà des maths, il y a évidemment LGJ dont je regarde toutes les vidéos, qui a d'ailleurs, on en a sorti une nouvelle là aujourd'hui ou hier, je sais plus, je l'ai regardé aujourd'hui en tout cas, mais elle vient de sortir. Moi je l'ai vu aujourd'hui aussi sur les diagrammes de Venn, sachant qu'aujourd'hui ne veut pas dire grand chose dans un podcast, mais aujourd'hui, oui, voilà, aujourd'hui 12 octobre 2015 Et donc, j'adore les vidéos d'LJ. J'adorais déjà son blog avant même qu'il se lance dans les vidéos. Son blog, bon, on va dire le nom, c'est Chou Romanesco, Intégrale Curviligne et Vache qui rit. Je ne l'ai pas dit dans l'ordre. Ouais, je crois que c'est Vache qui rit en deuxième. C'est Vache qui rit en deuxième, d'accord. Enfin, si vous tapez ça dans Google, vous tomberez dessus à peu près. Et donc voilà, en mathématiques, pour l'instant, il n'y en a pas énormément des chaînes qui font des mathématiques, disons, de façon non scolaire. Il y a beaucoup de chaînes qui font des cours, il y a beaucoup de profs de maths qui font des cours pour leurs élèves, qui font des résolutions d'exercices et tout ça. Mais vraiment des chaînes qui parlent de maths de façon vulgarisée pour le grand public. Je crois qu'à part LJJ, j'en connais pas d'autres, quoi, donc on est deux. Mais ce serait bien qu'on soit plus. Voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui aiment les maths et qui hésitent à se lancer, allez-y surtout. Et sinon, alors dans les sciences, j'aime beaucoup y penser. Vraiment, ça, c'est, je pense que ça, son arrivée sur le web a fait beaucoup de bien, justement, à un peu tout ce domaine. C'est-à-dire qu'il tire aussi vraiment tout le monde vers le haut. C'est-à-dire que le succès phénoménal qu'il a eu fait que derrière, il y a beaucoup de chaînes qui ont suivi. Moi, j'aurais clairement pas autant de succès si ils pensaient avait pas autant de succès parce que, alors pour plein de raisons. Premièrement, parce que des fois ils parlent de moi et qu'il fait de la pub directement. Bah, disons-le, ils pensaient à l'air complètement fan de toi. Je sais pas pourquoi, ouais, mais ça fait plaisir. Je l'ai jamais rencontré en vrai, mais je, pour l'instant, on a discuté de temps en temps. Échangé des messages de temps en temps par le web, mais bon, j'imagine qu'un jour on finira forcément par se rencontrer. Mais ouais, ça fait plaisir de voir que ma chaîne lui plaise, quoi. Oui, c'est sûr. Et puis après, il y a aussi effectivement les suggestions YouTube, quoi, qui sont à côté. C'est-à-dire que quand on regarde une vidéo, YouTube suggère d'autres vidéos du même genre à côté. Et donc forcément, quand il y a plein de chaînes du même genre culturel, scientifique qui apparaissent, eh bien, ça, le fait qu'il y en ait d'autres, ça draine aussi des visiteurs sur nos vidéos. Moi, j'ai, pour reprendre le cas d'y penser, ça m'est arrivé des fois de voir les jours où y penser sortait une vidéo, mais des vidéos dans lesquelles il ne parlait pas de moi, hein, mais juste le fait qu'il sorte une vidéo. Et puis à côté, dans les suggestions YouTube, il y avait une de mes vidéos qui était suggérée, et du coup, j'avais des pics de fréquentation ces jours-là, juste à cause de ça, quoi. Et donc, y penser, et puis après, voilà, il y a plein de, il y a Axolot qui existe depuis un petit moment aussi, de Patrick Beau, que j'aime beaucoup. Il y a Experiment Boy, qui fait des choses vraiment très bien aussi, et dans le côté pratique, dans le côté don bricolage et tout, et ça, c'est vachement bien aussi, parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup, il y a beaucoup de chaînes qui parlent Experiment Boy, c'est plus que du bricolage, hein, c'est de la destruction, carrément. Oui, voilà. Ouais, mais avec panache. C'est ça, c'est de la belle destruction, c'est de la destruction, c'est l'esthétisation de la destruction. Mais, c'est bien aussi d'avoir des choses un peu concrètes avec des manipulations. Et puis, je vais pas tous les citer parce qu'on a beaucoup d'Earthy Biology, Nota Bene qui fait de l'histoire, parce que voilà, même en sortant des sciences, voilà, au niveau culturel, dans les chaînes culturelles, il y en a beaucoup. Alors, par contre, je peux citer Il y a disons deux, enfin, je connais principalement deux plateformes, il y en a peut-être d'autres que je connais pas, mais si tu en connais d'autres, tu dis, il y a la Vidéothèque d'Alexandrie, qui est justement une plateforme qui regroupe plein de vidéastes culturels au sens large, et où on trouve vraiment plein de choses très bien. Et puis la deuxième, c'est Vidéosciences, où là c'est plus spécialisé dans les sciences. Voilà, c'est encore une fois, on voit se multiplier en ce moment des vidéos. On en découvre, moi j'en découvre toutes les semaines des nouvelles chaînes, de nouvelles personnes qui se lancent dans les vidéos et on en trouve qui sont vraiment de mieux en mieux. Et je pense aussi que le fait qu'il y ait déjà eu des gens qui, depuis plusieurs années, ont expérimenté ça, les gens qui se lancent maintenant ont déjà vu un peu ce qui se faisait, donc arrivent aussi avec peut-être des choses un peu plus abouti, même presque dès le début du lancement de leur chaîne. Mmh. Et en audio, tu écoutes des choses un peu ou pas ? En audio, j'écoute Podcast Science depuis, c'est Robin qui m'en avait parlé. Je travaille avec Robin, il me dit, tiens, je fais partie d'une équipe qui fait Podcast Science. Parle parce qu'il en parle pas souvent à l'extérieur. Ah oui. Non, on se moque de lui parce qu'il a cité le blog d'LGJ, mais même pas Podcast Science dans son dernier bouquin. Mais sinon, c'est vrai que non, pas énormément. Mais ceci dit, avant moi-même de faire la chaîne Micmac, j'écoutais, je regardais pas spécialement beaucoup de vidéos non plus. Alors peut-être aussi parce qu'il en existait moins à l'époque. Mais même il en existait en anglophone, des choses comme ça que je regardais pas beaucoup. Presque ce qui me fait plus regarder des vidéos maintenant, c'est aussi pour voir un peu la façon dont fonctionnent les autres, les idées qu'ils peuvent avoir. Et des fois, je me surprends quand je regarde des vidéos à plus regarder la façon dont ils le font que vraiment le fond de ce qu'ils expliquent. Ça m'est arrivé deux, trois fois, ça, comme ça, de regarder une vidéo. Et puis à la fin de la vidéo, je me dis, mais zut, de quoi il a parlé là? Parce que j'ai regardé tel montage, comment il faisait la transition d'un endroit à un autre, etc. Et puis, à force de regarder, je me dis, ah tiens, ça c'est une bonne idée d'utiliser tel ton, d'utiliser tel effet, voilà. Et puis, du coup, je rate un peu le contenu des fois, et donc je regarde la vidéo une deuxième fois. Mais c'est vrai que sinon, j'avais pas forcément. Avant vraiment de commencer, j'avais plutôt la culture de l'apprentissage par l'écrit, c'est-à-dire que je lisais des livres, je lisais éventuellement des cours écrits, des PDF, des choses comme ça sur Internet. Mais le fait d'aller vers des médias tels que la vidéo ou le son, c'est quelque chose à laquelle je n'étais pas habitué moi-même. D'accord. L'heure avance, alors on va tâcher d'aller vers les dernières questions. Tu parlais là de livres qui t'inspiraient, tu en as quelques-uns à nous conseiller, tu peux nous parler vite fait de tes sources d'inspiration? J'ai découvert pas mal de livres en fait, justement tout à l'heure je parlais du CIJM, comme j'ai participé à certains concours de jeux mathématiques à l'époque, je gagnais de temps en temps des livres de mathématiques, et donc ça m'a pas mal inspiré. Alors ça, là, comme je suis chez moi, je peux même aller me promener et regarder en même temps les livres que j'ai sur mes étagères pour m'inspirer. Parmi les tout premiers livres qui m'ont donné envie de faire des maths, en tout cas que j'ai aimé dans la vulgarisation mathématique, il y a les livres de Raymond Smulyan, qui lui est logicien, qui lui est un mathématicien, justement, c'est vraiment là encore une fois un côté directement producteur au consommateur, c'est le mathématicien qui vulgarise ses travaux. Alors il y a notamment le premier livre de lui que j'ai eu dans les mains, c'est le livre qui s'appelle Quel est le titre de ce livre ? Quel est le titre de ce livre ? Donc voilà, c'est sur des paradoxes logiques et justement voilà, le livre. La question est sa propre réponse. Après, j'ai découvert assez rapidement aussi les livres de Martin Gartner, qui lui, vraiment, je pense, c'est la référence dans le monde des mathématiques récréatives, qui a tenu pendant je ne sais plus combien d'années, 20 ans, 30 ans, je ne sais plus, la rubrique des mathématiques récréatives dans le Scientific American. Et du coup, il y a beaucoup de livres qui justement compilent un peu ces rubriques, et puis différents autres livres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de parler de mathématiques récréatives sans parler de choses dont a déjà parlé Martin Gartner avant. il a tellement épuisé plein de sujets. Non, il ne les a pas épuisés, parce qu'on peut toujours, aller plus loin, mais disons qu'il les a tous au moins abordés un peu au début. C'est très difficile de trouver des nouveaux sujets qui n'ont pas déjà été abordés par Martin Gartner. notamment voilà, il y a, enfin dans mes vidéos il y a beaucoup de sujets dont je parle et dont il a parlé avant. Je parle je pense aux hexaflexagones, notamment le cube de Soma, les choses comme ça, le jeu de Hex, c'est ça fait aussi partie de des gens qui ont popularisé ce jeu. Donc, et puis alors voilà, il a écrit des tonnes et des tonnes de livres, hein. je sais plus combien il a d'ouvrages au total, mais c'est vraiment très productif. Après, dans les plus récents que je peux lire, il y a un auteur que j'aime bien qui a sorti quelques livres récemment, c'est Marcus de Sautoy, qui a écrit notamment, voilà, je suis en train de regarder, les deux que j'ai, c'est La Symphonie des Nombres Premiers et La Symétrie. Je sais qu'il en a sorti un autre récemment, mais je ne l'ai pas encore lu. Mais là, pour le coup, alors lui aussi, il est mathématicien, et c'est vraiment un livre sur un thème particulier où il raconte un peu disons, l'aventure d'une découverte mathématique, quoi, en partant du début et puis essayer de vraiment vulgariser voilà, ça. Après, il y a. Il y a des livres de Jean-Paul Delahaye, par exemple, aussi, qui sont très bons, qui lui aussi cumule. Il y a aussi des livres qui cumulent différentes rubriques et qu'il peut écrire, et puis d'autres livres qui sont vraiment consacrés à un thème en particulier. Je regarde, il y a aussi des livres de Ian Stewart qui sont pas mal. Je pense notamment à Mon cabinet de curiosité mathématique, qui est une compilation là aussi de plein de petits thèmes, plein de petites rubriques très courtes qui évoquent. Sont soit une énigme, soit une petite anecdote sur l'histoire des maths, soit voilà, un concept mathématique expliqué rapidement. Et puis, peut-être un dernier, Le beau livre des maths, de Peekover, Clifford A. Peekover, je suis en train de regarder, et voilà, qui lui était vraiment un très joli livre, avec chaque double page, en fait, il y a une page avec une grande image, une très jolie image, et puis à côté, un petit descriptif d'un concept mathématique, c'est classé par ordre chronologique. Donc ça part vraiment des mathématiques chez les animaux, pourquoi est-ce qu'on peut, comment on démontre que les fourmis peuvent compter leurs pas, et puis jusque en leur mettant des échasses, hein, c'est la réponse, en mettant des échasses pour allonger leurs pas, comme ça on voit qu'elles font bien le même nombre de pas et elles vont trop loin avec des échasses. Et jusque à certains problèmes plus récents, je pense à la théorie des jeux, je sais là, vu ce qu'il démontre dedans, mais je crois que comme la résolution du jeu de dames, des choses comme ça, hein, voilà. Ok. Bon, on va conclure. Alors, j'ai deux questions pour conclure. D'abord, pour les gens qui ne te connaissent pas, quel épisode tu commences pour préférer, que tu préfères pour commencer ta chaîne ? Ah, je pense que probablement celui qui a eu le plus de succès actuellement, et je pense que c'est vraiment, moi, c'est un de mes épisodes préférés aussi, parce que voilà, c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure, celui qui est que j'ai découvert le plus récemment, c'est celui sur les tables de multiplication, que j'aime vraiment beaucoup, et qui, je pense, pour commencer, c'est une bonne porte d'entrée pour tout de suite être étonné et être émerveillé par des trucs étonnants, tout en restant sur des concepts simples. Tout le monde connaît les tables de multiplication, donc je pense que tout le monde peut comprendre de quoi il s'agit, et puis on tombe sur des images auxquelles on ne s'attend pas. Et puis un autre que j'aime bien, c'est celui sur le principe du parapluie, qui, pour le coup, quand on est matheux, on aime bien faire des rapprochements entre différentes idées un peu voilà, qui semblent n'avoir aucun rapport. Des fois, on a différentes théories, on dit tiens, on a l'impression qu'il y a des choses qui fonctionnent pareil là-dedans et là-dedans, mais ça a l'air d'avoir rien à voir en même temps. On ne parle pas de la même chose. Là, c'est de l'algèbre et là, c'est de la géométrie, et pourtant, on a l'impression qu'il y a une idée en commun. Et puis, à un moment donné, on se rend compte qu'avec un certain point de vue, eh bien, on arrive à les rassembler, on arrive à faire une seule théorie de deux théories qui semblaient n'avoir rien à voir. Et donc, c'est un peu l'idée, même si je ne le développe pas plus que ça, mais dans le principe du parapluie, voilà, c'est sur quelque chose qui en mathématiques porte le nom barbare d'automorphisme intérieur, et qu'on retrouve à plein d'endroits pour calculer des moyennes, on le retrouve en algèbre, on le retrouve... voilà, je donne aussi un exemple pour la résolution du Rubik's Cube, on peut s'en servir aussi de ce genre de choses. Et donc, c'est ce principe-là dont je parle, le principe de parapluie. Ok, et une dernière question qui est forcément courte, mais bon, je pense qu'elle est importante. Elle n'est pas courte, bien sûr, c'était ironique. Pourquoi c'est important de comprendre et donc de vulgariser les maths ? Disons que ça, c'est quelque chose... Je me rends compte, maintenant que je fais cette chaîne, qu'on me pose de plus en plus cette question. C'est quelque chose à laquelle je n'avais pas forcément beaucoup pensé à l'avance. Moi, je fais ça parce que ça me plaît. Et parce que, voilà, ça me plaît beaucoup j'aime les maths et donc je cherche à faire une activité dans laquelle je fais des choses qui me plaisent. Et maintenant, disons, il y a plusieurs niveaux. Voilà, question courte, réponse, je ne sais pas si elle va être courte, je vais essayer de faire le plus court possible. Mais il y a plein de niveaux différents auxquels on peut placer la compréhension sur des maths. Il y a le niveau élémentaire de il faut savoir compter. Voilà, c'est comme savoir lire et écrire, savoir compter, savoir faire quelques opérations élémentaires. C'est assez indispensable aujourd'hui, quoi, sur quoi on est vraiment bloqué dans notre vie tous les jours en faisant plein de choses. Hein, voilà. Maintenant, c'est vrai que ça, c'est des connaissances très, très élémentaires en mathématiques qui datent même avant les Grecs, avant l'Antiquité. C'est vraiment les trucs de base de comptage. Après, dès qu'on commence à arriver, même déjà à la fin de l'école primaire ou au collège, on commence à apprendre des concepts. Donc clairement, beaucoup de gens n'ont plus vraiment besoin dans leur vie de tous les jours. Alors là, il y a plusieurs façons de justifier ça. Enfin, je ne sais pas si ça justifie, c'est-à-dire qu'après, voilà, faut aussi se poser des questions sur qu'est-ce qu'on apprend à l'école, est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas. Disons que pourquoi est-ce qu'il faut apprendre les mathématiques au-delà de ce qui est strictement nécessaire? Parce que ça permet de penser le monde différemment et donc d'être capable de réfléchir le monde par soi-même, de réfléchir, voilà, quand on doit réfléchir, ne serait-ce qu'en politique, quand on vote ou des choses comme ça, on est obligé d'essayer de comprendre un minimum le monde et d'essayer de voir comment c'est et avoir un regard mathématique. Alors, je ne dis pas qu'avec les mathématiques, mais avec les mathématiques, c'est la clé pour tout comprendre. Mais avoir en plus, voilà, un regard mathématique sur les choses, essayer vraiment de savoir réfléchir, de savoir ce que c'est qu'un vrai raisonnement logique et de ne pas confondre tout, de ne pas faire des conclusions dans les raisonnements qu'on peut faire, ce qu'on trouve hélas trop souvent dans les arguments des personnalités politiques ou des journalistes, voilà, qui ne savent pas lire un chiffre correctement. Ça, ça me semble important. Et puis après, il y a le dernier niveau, qui est peut-être le niveau que je préfère moi, ça revient à ce que je disais au début, c'est que les mathématiques, c'est comme la plupart des sciences, c'est quelque chose de passionnant en soi. On peut se poser la même question, pourquoi est-ce qu'on va chercher de l'eau sur Mars? Pourquoi est-ce qu'on va prendre des photos de galaxies ou de magnifiques corps célestes qui sont de Pluton, que les photos de Pluton qui sont arrivées récemment, juste parce que c'est dans la nature humaine d'être curieuse et puis que voilà, on vit, il faut bien s'occuper un peu et qu'on essaye de faire des choses qui nous font plaisir et que découvrir le monde tel qu'il est et découvrir faire de la science, c'est vraiment une aventure qui est très exaltante. Et c'est pour moi une justification en soi, c'est même pour moi la meilleure des justifications. C'est de vouloir comprendre le monde et puis juste faire des activités parce que ces activités sont plaisantes, parce que finalement c'est à tout ça. C'est-à-dire que quand on dit à quoi ça sert quelque chose, c'est quoi la finalité? C'est-à-dire si on veut que tel ou tel outil serve, au final, tout ça, on le fait pour être heureux, quoi. C'est-à-dire on veut avoir un peu plus de confort, un peu plus de ceci ou un peu plus de cela. Si finalement on trouve une activité qui ne coûte pas trop cher et qui ne nécessite pas beaucoup de matériel comme les mathématiques et qui permet de prendre du plaisir comme ça juste en réfléchissant et en s'émerveillant avec des concepts, et bien finalement, c'est tout gagné, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Ok, ça me paraît être une parfaite conclusion. Avant de nous quitter joyeusement pour cette partie-là, est-ce que tu nous as ramené une quote? Je ne sais pas si tu l'as ramené de nouveau. Ah oui, je reprends un peu ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. C'est une quote que je pense Robin a déjà parlé dans cette podcast science, mais il m'a dit que c'était pas, qu'elle avait jamais été la quote officielle. C'est une citation de Henri Poincaré, qui est ma citation préférée des mathématiques, parce que je trouve que c'est très représentatif de ce qu'on peut faire et de ce que j'aime en tout cas moi personnellement dans les mathématiques. C'est faire des mathématiques, c'est donner le même nom à des choses différentes. Et quand je disais tout à l'heure, oui, quand je parlais du théorème du parapluie, de la vidéo sur le principe du parapluie, c'est ça qui est toujours très exaltant quand à un moment donné, on a une idée qui se débloque et qu'il y a une sorte de jubilation à découvrir que deux trucs dont on pensait que c'était différent, en fait, c'est deux points de vue différents sur la même chose. Et ça, c'est toujours un grand moment dans la vie d'un cerveau, c'est un grand moment d'avoir ces petits éclairs, ces éclairs de compréhension et ces voiles qui se lèvent sur certains aspects de la pensée et des mathématiques. Bah ouais, c'est même pas les plus grandes découvertes mathématiques, j'ai l'impression qu'elles appartiennent à cette catégorie-là, quoi. Pourrait s'étendre à la science en général, quoi. Quand Newton découvre qu'une pomme qui tombe, c'est pareil que la lune qui tourne, c'est un peu toujours la même idée. Ouais, j'avoue que la référence est parfaite. Écoute, super, ça me paraît très bien. Alors, maintenant, nous allons passer au quiz du mois. Comme vous l'avez peut-être pu l'entendre lors de notre épisode de rentrée, pour ceux qui étaient là, Alan relance les bons vieux quiz. Pour la prochaine émission Roue Libre, le nouveau nom des freestyles, il répondra à la question « Il faut boire 2 litres d'eau par jour, info ou intox ?» Alors, qu'en pensez-vous ? On ne vous demande pas une réponse bien détaillée, hein, il suffit d'envoyer des histoires, des anecdotes, vos avis sur la question, c'est tout ce qui nous intéresse. Alan se charge de la réponse officielle. Donc je répète la colle, il faut boire 2 litres d'eau par jour, info ou intox. Donc pour conclure, allez regarder la vidéo de multiplication de MicMath, je pense que j'en ai suffisamment parlé. Et sinon, pour ce qui est de cette émission, pensez à bien répandre sur l'internet mondial cette émission sur SoundCloud, Facebook, Twitter, par tous les moyens de communication que vous pouvez imaginer et surtout par les plus originaux. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler du sujet de thèse de MicMath, de Michael. Et d'ici là, que servir la science soit votre joie. Ciao.